Voilà, bah ouais. L'adresse. L'adresse, c'est Aulnay-sous-Bois, c'est au vieux pays. Et je fais des sandwichs italiens. Non, ils vont partir. Là, et voilà, si vous êtes intéressé, bah venez, je fais des bons sandwichs. C'est qu'à veut graille. Et tu fais de sandwichs végétariens ou pas? Ça dépend. Mais je l'ai fait bien, j'ai fait au travail, tu vois. Tu viens chanter ici ou tu viens faire le travail? Non, mais ici, c'est tout, hein. On sait, si quelqu'un radio, est intéressé, vous venez. On parle, il passe de... Oui, je vous fais des bons petits trucs à manger. On est dans 4 minutes, on est en direct. Bah, tu vas présenter la radio et tu vas parler de ton resto, ok? Ouais, ça y est, c'est fait, c'est bon. C'est... Non, mais pas encore, parce qu'après, on va être en direct sur les ondes. Moi, mais on s'échauffe d'abord, tu sais, on est les prêts. C'est le cours de pièces ou quoi? Bah, commence maintenant. Allez. Dominique, mets-toi un casque, installe-toi. Un casque intégral. Là, il y a un micro. Tu vas parler, tu mets-toi vas un casque. Casque intégral. Ah, que je dis. Intégral. Non, et parce que Dominique, il fait tout l'habillage sonore de toute la science, lui. C'est lui qui l'a. Oh, oui. Tu sais, comme dans les cinémas, les gens qui font des bruitages. C'est lui. Cherche-la. C'est la chop. Bon, alors. Après, je me casse après. Après moi je me casse hein. Tout le monde te parle. Oui voilà, tu as déjà un client qui va prendre un sandwich. Mais c'est pas arrondi. Tu peux donner l'adresse parce que c'est... il dit qu'il pense que c'est arrondi. Ouais, l'équipe c'est Aulnay-sous-Bois, le vieux pays à Aulnay-sous-Bois. Vous mettez sur votre iPhone GPS. C'est Déclic Café à la Cardonnay, à Aulnay. Et il y a tous les trucs là-bas. Il y a des snacks à grignoter, à boire, des petites gourmandises. Allez, Ah bon, on s'intéresse si vous avez un casque. Vous êtes pas d'accord. Bon, on est. Ouais, c'est carré. Ouais, freestyle, c'est bon, quoi. Ouais, on est à 3 minutes, on va. On est à 3 minutes du live. Mais vas-y, Martin. Dominique, je te conseille de mettre un casque parce que. Eh, Martin, c'est pas une nouvelle année aujourd'hui. Tu entends le son du truc. Là, c'est pas grave. Et évitez de taper sur les micros parce que sinon ça casse l'oreille. Attends, il faut retirer un peu plus. Spaghetti, ça. Les spaghettis là, on va le faire. Ils sont taillés, c'est bon. Et Dominique, sinon approche-toi quoi. Attends, il est où là? Martin, c'est bon. Dans le dos, ils sont rien. Attends, on va faire comme ça, regarde. On va enlever comme ça. Tout ça, musique. Et voilà, tout ce truc. Alors, ok. Ah, vas-y, chante musique. C'est toi qui as présenté l'émission, donc on demande un peu de silence à Doudou et après on attaque la musique. De quoi? J'ai pas compris. Tu vas présenter dans une minute, voilà, on est en direct à la radio. Eh, mais après, je voudrais aussi que tu me musiques, s'il te plaît. Ouais, il y a des trucs que je la cherche. D'accord. Je te le dirai de toute manière. Ouais, l'équipe, vous allez bien? Ouais, CMT, vous allez comment? Vous allez bien quoi, tranquille? Et la route, c'est comment? La routine? Il a passé une bonne journée, ça va? Et la route, la famille, les amis, tout le monde, ça va? Et bien, vas-y. MTR, c'est caliente tous les jours, il y a de beau temps les gamos. HMK, il y a Ashri Nazia dans la chop. HMK, il est énervé comme Vegeta dans le 7-7. Oh. 93, c'est la zone de MTR 93 au 277. 77 270 à 104. C'est Paris. La zone industrielle. C'est Paris. 87, c'est la gênée du. 1-2-1-2. Dans une minute, à un moment. 1-2, la justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue. Ma rue, combien de frères a-t-elle emporté? En a-t-elle eu et abattu? Je ne sais plus. Le trottoir, si sombre le soir, couleur sombre, on n'a pas vu ton ombre, malgré la pénombre. Ouais, Mohamed, on est à 1 minute au direct là. On va commencer. MTR, l'équipe, vous allez bien? Ok, c'est Doudou. Chou. On te sent un peu avant pour commencer. Je passe avec mes potes et Pika, je te prends ta recette. Voilà, on est en direct sur Radio Métonnet. Vous êtes bien, tranquille. Avec tes cheveux. Pas de l'arrière. Vas-y, tu peux présenter la radio. MTR, c'est Caliente quoi. On est où là? Voilà, on est en direct. Ouais, avec MTR et Monsieur Cheveux Bleus. Pas lunettes. On est où là? On a quelle radio là? Ouais, Métonnet. Métanoïaque. Monsieur Scroon, flaqué là. Yes. Radio Métania. C'est moi. Voilà, on est là. On est où là? Ouais, c'est Caliente. Hein. Radio Métania. Des gars, ils couraient dans la forêt. Là, c'est la musique à tout pack. Hein. MTR, c'est Caliente. En pack de bière. Ouais, c'est comment? Baby. Bénis leur mère. Commencez ou pas? Personne, c'est un café. Non, on va commencer, tu peux te présenter déjà? Ah, ouais, pas salut, c'est Pierre. Vous êtes bien tranquille? Attends, on va écouter un peu de son. Ouais. Vas-y. Ouais, c'est tout mon équipe, vous allez bien? Ouais, c'est MTR 93, vous allez bien? Ouais, on est bien là. Ah, c'est pour moi? Vas-y, commence! Simon Martin? Ouais. MTR, c'est Caliente, tous les jours, il y a un beau temps. Les gars, il y a Astrinesia dans la chop. HMK, il est énervé comme Vegeta. Dans le 77 au 93, c'est la zone 2. MTR 9300 au 77 270 à 140. Ici c'est PSG, Paris 97, c'est la génie du 98, PSG au PSG, la télé, c'est la, le classique de Paname, Paname 140, 9300, Paname, 77, bolide dans le gamme au chargé, tiens, super, et moi t'as du bleu, on tira sous ta lunette. T'as mis un frein. Ouais, MTR. Ici c'est 14 juillet, les artifices. 14 juillet quand tu as sorti. En tous les cas, mon chargé quand tu as sorti terrain. Artailleur, il passe. Le départ sera dans 5 minutes. Pour aller direction en Big Ben, en Angleterre. T'as pas chanté, mec! Jamila qui arrive! C'est fini là! Vous prenez l'autobus pour aller! Vas-y, mais. À Kingston! Relance! Voilà, relance! Attends. Attention avec le tambour! On est tous les métalliers à Grigny. Il y a Tyson qui va faire sa chronique de sport. Et attends, ouais. Lui il va le faire, tu peux te... C'est quoi ton nom déjà? Ouais, moi c'est MTR 9300. MTR 9300, tu disais que tu as un nouveau boulot à Aubervilliers. Ouais. Tu peux nous présenter ton... Laissez lui parler quand même. Attends, Gringo. Ringo, attends un peu qu'il a MCR 93. Vas-y. Balayer, nettoyer. Ouais, vous êtes pas l'équipe tranquille. Ouais, je suis dans un des autres, on ouvre un restaurant, c'est le Déclic Café, ouvert par la mairie. Et on fait des productions repas, sandwich, salade, viennoise et tout. Ah, si vous voulez, grave, venez. Et puis voilà. Et c'est au vieux pays, l'équipe. Et c'est gratuit. Ah, je fais des bons. Non, faut payer. Tu presses la salade. C'est pas évident, faut payer. Oh. Vous voulez cry? C'est tout gratuit. Non, c'est payant. Ok. On est le métanoïaque. Dominique, tu penses quoi de tout la situation d'intérieur? Oh, c'est un peu bruyant. C'est un peu bruyant, hein. Il y a du brouillard de fuck. Vous voulez pas gratuit, hein? Hein, Martin, vas-y, il fait pire. Il y a du brouillard, il y a des gros qui vont tomber. Gratuit en premier. C'est pas gentil, gratuit en premier. Je frappe. Non. Ah, si. En premier gratuit. Non, pour payer là. Eh oui, tac tac coucou, me voilà belle belle. Où c'est qu'elle est la crème pour de paillettes? Eh mon pote, c'est d'argent. C'est le bordel ici. Exactement, c'est un bordel. Vas-y Martin. Bon, on va s'organiser un peu. Mais Doudou, le problème c'est qu'il, comme il est pas avec le casque, il met la musique, il est pas en retour avec nous, tu vois. Faut que tu baisses un peu, Doudou. Vas-y Martin. Yeah. MTR c'est Caliente, tous les jours il y a un beau temps. Les gamos à GMK, il y a Stinasia dans la chop. À GMK il est énervé. Il a pas l'affaire le gars. Comme Vegeta dans les 77 au 93, c'est la zone de MTR 9300 au 770 à 140. Ici c'est Paris, PSG 87, c'est la génie du 98 au PSG, c'est la télé. C'est le classique de Paname, PSG. Faut pas dire Paris, c'est les. Paris c'est les gagnants, Paris c'est perdant, vous perdez, Paris c'est gagnant, Paris c'est meilleur, Paris c'est... Allez voir Paris, c'est chômage. Marseille. Allô. Marseille. Marseille, c'est la vie. Avant, j'étais au chaussure. Attends, il y a Jamila qui fait la poésie sonore là. Je pense à toi, hey, tu es loin de moi. Go on, je pense avec mes potes, mais cache-toi, ici c'est énervé, compagne. Vous me sortez pas, dame, on tire une petite balle dans la tête. Ici c'est Paris, tire une balle dans la tête. Caché dans la tête, Paris c'est magique. Marseille au choc, quand on est sur Marseille, on tire dans la tête. Craché dans la tête. Ici c'est Paris, Paname, Stade de France, PSG. En prison, sans passer par la caisse d'épargne. On est dans la politique, Marseille, Paris, champion. Et Mbappé, où dans tout ça? Mbappé, il a monopolisé tout, le gars. Monopolisé dans il est resté à la au point de touche France contre je sais plus qui. Il joue sans Mbappé en France. Dello. De la bière. Martin il est bourré sur terre. Demando. F1 2 la moquette quand il fume. C'est la moquette. Je fume l'aspirateur. Oh ça. Je fais un choupon avec l'aspirateur. Dante. Même pas comme soit quand tu veux, soit quand tu veux. Même là si tu vas piquilo. Hati mata c'est l'Oriente, tu m'as sabé la mettre du genet à l'Oriente. Dédicace à mes mascarilles, y'a qu'à mes magas, soit quoi qui fait, dédicace à toutes mes. Pas quoi qui fait. C'est ton méfait, ma fait sauter, c'est les méfaits. T'as qu'à faire que l'homme qui s'y quête fait le fait, mais c'est le téléphone, c'est le net, c'est le coste que t'as l'homme. Non, fais ça, t'es méfait, ma fait l'eau, c'est tes faits, fa fait, non, fait, non, l'homme fait. Lolita. Oui, on est là. On est en direct sur Pinode. Et oui, vous connaissez Popek. Mon frère, il m'a dit, j'irai loin dans la vie. J'étais à l'épicerie et je suis revenu. Vous connaissez Popek? Attends, on écoute Jamila, c'est douce qu'elle chante. Non. C'est bien, vas-y. Yazina manishalik, manishalik urani harumiya. Dale khokhones. Yazina zin uzaken sidi yazin. Dor biha, shibani dor biha. Να φεκέσαι και νομίζω και σε καλά φάμα. Φεκέσαι και το φάλα φάμα. Σε και το μακαλά φάκα. Δεν με κοίτσε και το φάλα φάμα. Μα σε και το φάλα φάμα. Μα φεκέσαι το. Να φεκέσαι μα φελό φεκέσαι με. Να φετώ σε ναι με φε. L'OFAM, c'est. Il n'y a que de la chanson dans cette radio, Metanoia. C'est pas tout le temps rigolo. Qui est rigolo? Il y a aucun c'est qui rigolo? C'est aucun iso. Pour venir ici, il va falloir un passeport bientôt. Ouais, un passeport de. Passeport de bonne conduite. Un bon régime. Vous savez que dans les larmes, il y a 50 oligo-éléments dans une larme. Allô? Metanoia? Eh, cher client, dans une larme? Une larme? Une larme? Ah Martin, Doudou, mettre un peu plus bas. Vous saviez que dans une larme, il y a 50 oligo-éléments. Dans quoi? Dans une larme. Une larme. Une larme. 50, 5, attends. 50 oligo-éléments. 50 oligo-éléments, ouais. 50 oligo-éléments dans une larme. C'est-à-dire qu'on peut manger des larmes? On n'a pas le droit, alors, de les boire. On n'a pas le droit de boire les larmes. Ah les larmes. Les larmes. Les larmes. Les larmes de larmes. Les larmes, larmes. Larmes, larmes. Larmes de larmes. Les oligo-éléments. Aliment. Alimenté. Ouais. Voilà, un peu plus bas pour qu'on puisse entendre un peu tous. Ok. Comme déjà le Rénutril. Vous connaissez le Rénutril? C'est quoi les Rénutril? C'est quand les gens peuvent pas. Micro, micro, s'il te plaît. Quand les gens peuvent pas manger, c'est une boîte de. Ouais. Complément alimentaire. Voilà. Il y a 50 oligo-éléments dans Rénutril. Ouais. Mais si tu dis alors les larmes, pourquoi on peut pas manger les larmes? On peut les boire. Les boire. Ouais, mais on n'a pas le manger, droit, c'est comme ça. Il n'y a que Mahomet qui a été sauvé par son valet. Ah oui. Dans la grotte, il a pleuré, la larme est tombée sur Mahomet et ça l'a sauvé. Ah ça oui. Des conneries, ça. Je connaissais pas cette histoire. Il était dans une grotte. Attends, t'es allé où, toi? À la radio, j'ai entendu. Ah bah c'est des conneries. Pourquoi c'est conneries? C'est joli. C'est bien. Non, c'est joli, mais ils disent que des bêtises sur la religion que... musulmane. Non, Mahomet, Mahomet. Il y a eu la. Attends, écoute. La transmutation. Transsensation. Transmutation. Ouais. On change de attends, Doudou, baisse un peu parce qu'on parle. Les Mécois, c'est le vrai nom des Arabes. Ils ne voulaient pas suivre les autres. Ils voulaient rester au calendrier de la lune. Oui. Donc ils sont cachés dans la grotte, bref. Et c'est le valet. Il a aidé. Il était presque pas mort, mais presque. Il était piqué par une araignée. Ah oui. Et le valet a lâché une larme et ça a sauvé Mahomet. Et ça a tombé sur sa bouche, quoi. Il a mangé. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est joli comme histoire. Comme quoi, les oligo-éléments des larmes peuvent nous aider, quoi. Hein? Mmh. Entre autres. On va attendre peut-être notre chroniqueur Ringo qui va venir. Est-ce que Jason, tu es prêt pour venir ta chronique de sport ou pas encore? Tu voulais parler quelque chose, Jamila? Non, pas spécialement. Écoutez ce qui se passe. Ça dérange. Et Dodo, tu peux baisser un peu parce que là, on s'entend plus là. Ça vient de ta musique, mais il faut que d'un moment ça arrête pour qu'on puisse parler et après ça revient. Vas-y, Jamila. On peut parler politique, mais la politique, ça fâche. Quand on voit le gouvernement, quand on voit toutes les guerres qui se passent, quand on voit que Macron n'est pas à jour, il va nous faire éclater une bombe nucléaire, je sais pas où lui, encore. Ouais. Donc c'est un peu la merde partout. Quand on regarde les informations, il y a la guerre partout. Ouais, ça c'est vrai. Il y a entre les inondations et le feu, et on a l'abri nulle part. Oui, oui. C'est la science qui est fatiguée. Ceux qui veulent partir de Bondy, avoir une petite maison de campagne, bah, ils savent pas où aller. Il faut descendre au laboratoire, les scientifiques sont très fatigués, il faut les changer. Ah oui. Non mais quand je dis... moi, j'avais la Jamila, présidente, alors. Non, pas présidente, mais réaliste. Réaliste. C'est malheureux ce qui se passe dans le monde. Les gens se plaignent, oh j'ai pas ci, oh j'ai pas ça. Mais dis, alhamdoulilah déjà, t'as une maison, t'as un appartement, t'as de quoi manger. Il y en a, ils ont plus rien, ils ont tout perdu. Ils ont mis toutes leurs économies dans une maison. C'est parti avec l'eau. Enfin, je sais pas, il y a plus malheureux que soi-même déjà. Je sais pas, il y en a un, il a pas de cigarette, c'est la fin du monde. Mais non, arrêtez vos conneries. Ouais, il y a des gens qui sont plus peur de la fin du mois que la fin du monde. Voilà. Ouais, c'est ça, hein. On est à la fin du mois d'ailleurs. Ouais, bon, bah les sous sont pas encore tombés, ça fait chier, ça. Non, quand on a faim, on aboie. Non, quand on a faim, on... F-A-I-M, faim. Ah, oui, on a faim. Ouais. On... Vas-y, Dominique, micro, là, que t'entends. Ouais. Voilà. Colonel, mon colonel. Mon colonel, je l'ai pas sauté dans la forêt pour chercher Adrienne. J'ai pas vu Jamila non plus. Ah bon, pour toi. Hein? Non, Gaspard, je vais pas le faire, pas trop. Bébé, là. Bon, bon, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Moi, voler mon argent. Je veux pas bien. Il y en a qui font pire. Tous les effets spéciaux là. Et donc, Jason, tu es prêt pour ta chronique là? Bon, on va passer à la chronique du sport de Jason. Mets-toi un casque. Mets-toi là, assieds-toi là. Mets ton casque. Et Jason va parler sa chronique de sport. Et après, on va continuer la musique avec Doudou et notre star internationale qui l'habillait d'une manière incroyable. C'est la nouvelle star qui apparaît à Bondy. Moi, j'apparais nulle part, j'y disparais. Ouais, est-ce que tu peux baisser un peu la musique parce qu'il peut faire sans la musique? Ouais, là juste 30 secondes parce que lui veut faire sa chronique sans musique. Voilà. Ok, vas-y Jason. Mais faut que tu as dû prendre un micro déjà dans ta main pour qu'on t'entende, sinon tu ne peux pas. Mais baisse la musique parce que tu n'entends rien. Barcelone et Girona. Ouverture du score par Barcelone, un doublé de Lamin Yamal à la 30e minute et à la 37e minute, 2-0. 2-0 à la mi-temps. 47e minute, but de Dani Olmo qui font le break. 17 minutes plus tard, but de Pedri. Et à la 40e minute, l'honneur pour Gironde, mais déjà trop tard, et un carton rouge pour Ferran Torres. Ça, 4-1. C'était quand ça déjà? Le 15 septembre. Au stade municipal de Montivy, à Gironde. Ligue des champions, ça démarre mal pour le FC Barcelone. But pour Monaco à la 16e minute. Égalisation par Lamine Yamal à la 28e minute. Un partout à la mi-temps. Monaco, je suis tombé dans la piscine. Un carton rouge pour Eric Garcia à la 10e minute. Réduit à 10. Qui permet à Monaco de gagner en marquant la 60. Si on continue, tu peux continuer. Et score final 2-1 à la 71e minute pour Monaco. Score final 2-1. Une défaite première journée en Ligue des Champions pour le FC Barcelone. Et dernier match, Villarreal Barcelone. Ouverture du score par Robert Lewandowski à la 21e minute. Doublé de Lewandowski à 35e minute. 2-1 pour 2-1 pour 2-1 à la mi-temps. 3-1 à la 58e minute par Pablo Torre. Combien de mi-temps? Ah, à la mi-temps. 2-1 à la mi-temps. 3-1. Oui. 3-1 avec comme buteur Pablo Torre et un doublé de Rafinha à la 75e minute et 83e minute. 5-1 en championnat. Ils sont leaders du championnat avec 6 victoires. Et ce soir, ils jouent contre Retafe. C'est quoi ton pronostic là pour ce soir? Bien dormir. Le nombre de pourcentages est en faveur du Barça. Ouais. Victoire. Bah oui. Ils doivent gagner parce que derrière eux, il y a le Real à 17 points. Ok. Voilà, c'était la chronique de Jason. Pardon. Six victoires sans défaite par l'entraîneur Hansi Flick qui avait fait beaucoup gagner le Bayern. Ah oui, ok. Donc super, c'est la chronique de John qui vient que toutes les semaines on nous parle de football à fond. Des fois il fait des chroniques d'autres choses. Là tu as changé d'avion, tu as quoi comme moyen de transport là en ce moment? Tu as un nouvel avion, tu vas en bateau? Ah, j'ai joué un peu, j'ai rien gagné. Bon, on va faire un peu de la musique là, ce match là. Bah. Attends. Ouais, j'ai gratté. Je vais au stade Luis. Oh! Olympique Luis Companys pour Retafe. Bam, bam! Ce soir. En Espagne. Ok. Hein? Quoi? Frère Jacques, frère Jacques, pétez-nous. Quoi? Oui. Je t'ai les matines. Ouais. La chronique, le Cro-Magnon. Eh oui, le Cro-Magnon, le chéri. Par contre, il y a une belle chèque ici. Rico, tu voulais quoi alors? Tu packs ça hein? T'es mal poli. On dit un con, on dit un con. Bah oui, un con, On dit pas une snake, on dit un con. Traite de bic, Jacques Chirac. Eh oui, me voilà. Ah, que tu dis? Ah, que tu dis, je me la pète. Andrion! Andrion! On t'en plaît, on en chie une grotte. Je l'ai pas vu, mon capitaine Martin. Attends, deux minutes, j'arrive, Andrion. On va parler. Mon colonel, qu'est-ce qui se passe à la radio en soi aujourd'hui? À Matagnonia. Pas avec lequel tu veux. Je peux vous poser une petite question. La reine d'Angleterre, qu'est-ce qu'elle faisait en premier quand elle se levait? Allô Martins? Martins? La reine d'Angleterre, qu'est-ce qu'elle faisait en premier quand elle se levait? Je ne sais pas. Elle repassait le journal. Son journal, parce que l'encre. Ouais. Ça, c'est du pétrole, c'est dangereux. Ouais. Quand on a le journal, il n'est pas sec. Et quand tu tournes les pages, tu fais ça. Et elle a repassé pour bien que l'encre soit bien, t'as compris? Qui soit bien. Voilà, bien sec. Oh. Sinon, c'est cancérigène. Ah oui. Et elle a voilà. fait ça tout. Elle a fait quand? Bah tous les jours, elle lisait le journal. Ah oui. Windsor. Elisabeth Windsor. Comment je le sais? Bah reportage. Quand j'ai une télé. Tu sais plein de choses, Dominica, c'est bien. Tu as fini ton recueil sur l'humour, là? Quoi? Sur le recueil que tu avais l'autre jour, une anthologie de mots d'esprit ou de blagues ou je sais pas quoi? Oh, ça a disparu tout. J'écris pas en ce moment. Hein. Pourquoi tu écris plus, là? Bah parce que tu m'as pas donné de stylo, je peux pas écrire. Ah si, là, on va te donner un stylo, stylo de feuilles. Mais oui. Non, j'en ai un stylo. Premier avertissement. Flécage au sol, fermez vos volets. C'est génial, Dominique. J'aime bien quand Dominique est là parce que ça nous amène de sons inattendus. Wake up. Tan. Oh, Dominique, c'est bien quand tu fais la musique là. Mathieu, tu veux pas parler un peu avec nous là, prendre un micro, tu pas la parole là, on est là. Mais ça c'est pas la musique. Ça c'est calme un peu. Attends, mais regarde. Mais il faut que tu amènes ta musique nous, préparée. Comme ça, il sort de musique à un moment. On fire, je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille, je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le set, millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur, petit frère change de père. Un clip on les met en sueur, et lendemain dans le père. Bon, on va, tu baisses un peu la musique, Dodo, s'il te plaît, parce que là, on va changer. On va changer à Ringo qui va. Vas-y, Ringo, prends le micro. C'est ça ? Attends, Dodo, arrête, parce que là, on a la musique. Vas-y, Ringo, prends le micro là. Tupac, oh, instrumental. Et Dominique qui joue le xylophone. Mais là au début ça. J'ai pris le micro. Attends, laisse-moi parler en premier. Oui, je chantais la musique de mon oncle Milan. Fin de compte qu'il est connu mondialement sur YouTube avec ses musiques, et ben je chantais sa musique à lui. Voilà. Et ton oncle. Et toi, ton nom d'artiste c'est Ringo, c'est ça, ou comment tu t'appelles? Comment tu veux t'appeler ici à la radio? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Dans quelques temps, mon oncle il va me produire. Vu comment il est producteur, il a pris le micro PC, et là il va commencer à me produire et tout ça. Ok. Dans quelques jours. On y va. Tu es prêt? Attends. Voilà, Ringo se prépare pour faire sa performance. Il règle son pantalon. Teacher, voilà, se concentre. Il invoque les ancêtres. Et là, il est prêt pour se lancer. Yeah, yeah. Che me togli il loco, o porti vera io, o porti vera io, che me togli tanto loco por Dio, che me muero por Dio, che me muero. Antes mira loca todo mi cuerpo me calor, ven conmigo toda la noche bailando. Mi cama, me llama lo contigo, contigo. Que me soy tanto loco por ti yo, cara me dicaba tu bedilla va pa la tute. Aquí mata se lo ya te chubi drasta me la mente gene y a mente gene te dica también mascare ya caca na me dicaba tu bedilla va. Vate miralo, vante miralo. Que me soy tanto loco por ti yo. Todo mi cuerpo. Interruption. Ouais, mais c'est pas parfait là, on va en fait. Non mais vas-y continue. Mais... Tu peux me la mettre au début s'il te plaît. On y va, on continue. Mais on non, continue. Mais au début, regarde comment il m'a dérangé. C'est la même chose. Non, mais remets là s'il te plaît en premier. Non, le problème c'est qu'il a du coup. Il m'a tapé dans la main. Ça, il faut l'éteindre. Non, frérot. Vas-y, on va continuer. Mais on peut pas faire 5 minutes, tu as 3 minutes. Ouais, ça s'appelle. Ouais. Mantemiralo, que me soy loco. Oh por ti verdad yo. Ven conmigo toda la noche bailando conmigo. Mantemiralo, que me soy tanto loco por ti yo. Mi cama me llama lo. Oh por ti verdad yo. Todo mi cuerpo calor. Oh contigo ves. Dame amor toda la noche amor. Que me soy tanto loco por ti, verdad yo. Chevorie, chocarie, na te lo ves palamante. Chevorie, chocarie, na te lo ves palamante. Alamen, diclamen, amen, llamen, amen, diclamen. Vante, míralo. Que me soy tanto loco por ti yo. Todo mi cuerpo me ha dado tanto calor. Oh, por ti yo. Mi cama me llama lo por ti, verdad yo. Que me soy tanto loco por ti yo. Si tú quieres amor, mante míralo. Que me gusta lo. Mante me das amor. Por eso me gusta lo contigo. Si tú quieres corazón, veré contigo yo. Sabes que me gusta lo como tú me das. Tanto corazón, por eso veré contigo. Toda mi vida contigo, que me estoy ir. Tanto loco por ti yo. Pero vio una te pires por tu barricata, el túnel en tu carilla. Pero vio una te pires para tercilla, castar el túnel en milicia. Castar en tu capa, que en tu anda con de llamo, tap tú que me calla. Pira maga el corcoro, que se te bla, chororo. Pira maga corcoro, casim de flapi partalo corcoro. Cara me dilla va vanta coqui que na in bogota. O pa chamande morota. Ande miralo, que me soy loco. Ven conmigo. O toda la noche bailando. O conmigo tú. Que me gusta lo que soy y di la maña contigo. Dame ya amor toda la noche tú. Me soy tanto loco por ti, verdad yo. Ven conmigo, yo quiero toda mi vida. Mante mira lo que me soy tanto loco por ti, yo. Ay, de la vuelta, ay. Me marcaba su acotipe, te llamas más a, te dedicas a me también. Celoria, te dedicas a men. Me marcaba su men. Yo te marqué que estás tu bebé, te dedicas a mes bebé. Saco aquí, me dilaba para tu tembe. Oui, Ringo, bien, bravo, super, avec Tupac d'instrumental, c'est belle chanson, tu donnes tout le... J'aime bien quand tu chantes de langage, de l'espagnol, tu inventes des mots, tu fais... tu mélanges... Attends, prends le micro là, quand ça, on t'écoute. Tu peux parler au micro, comment tu chantes, okay. Tu mélanges quoi comme langage? Bah, en fin de compte, espagnol, le tzigan, je l'ai fait déjà en français aussi. Ouais. Parce que je mélange les langues parce que, fin de compte, j'étais dans tous les pays. Mais fin de compte, mon père, il est colombien, russe, et ma mère, elle est serbe, gitane. C'est un mélange, fin de compte, que j'ai. C'est pour ça que je parle beaucoup en colombien et que je mets des musiques même en colombien et tout ça. Ouais, mais c'est un colombien, un gitan, quoi. Y a... ouais. Non, ça c'était en tzigane, mais il y a aussi, ouais, aussi j'ai dit en espagnol dedans, c'est vrai, il a raison. Ouais, ouais, ouais, il y a des choses, des langues. Ouais. Tzigane. Prends le micro, s'il te plaît, voilà. Et mon colonel, vous pensez quoi de tout ça? Bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes fatigué, mon colonel? Ouais. Prends le micro, colonel. Jason, tu veux chanter? Non. Alors, qui est le prochain, là? Qui va prendre le micro? Dominique. Vas-y, Dominique. Ah, que Johnny, y a personne, mon frère. Voilà. Ah, que Johnny. Dominique. Si, si, on t'entend, là. Ça marche bien, mais mets le casque. Si tu mets pas les casques, tu vas pas écouter. Ouais, il faut que tu mettes les casques, voilà, et puis un micro. Si, si, il marche. Mets le casque, on entend bien, là. Il marche normalement. Il marche, oui, oui. Non, attends, non, tape pas, parce que là, on s'entend tous. Vas-y, Dominique. Qu'est-ce que j'en pense? Ouais. Oh, on sait rien. Mon père, une fois, il m'a dit, on sait jamais ce que tu penses. J'aurais répondu, c'est normal, je pense pas. Ah oui, tu penses pas. Tu aimes, mais tu ne penses pas. Quand je me blesse, je me pense aussi. Oui. J'ai mal à la panse, comme les vaches. J'irai jamais acheter son disque. Alors. Je m'en fiche complètement. Ouais, je sais pourquoi. Ouais. Eh oui, toc toc, mais voilà. Bon, Jean Gabin. C'est facile d'être jaloux. Oh, Dany Guichard. Je t'aime, tu vois, mais tu ne le sais pas. Je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. J'ai un jardin rempli de fleurs. C'est pas à moi, c'est à ma sœur. Ça, c'est une chanson à toi, non? Attends, j'ai l'impression que ce micro, il est hors face, mais c'est pas grave. Ça, c'est une chanson que toi, tu as fait? Non. Non, c'est Dany Guichard. Ah. Ah, le jardin à ma fleur, ouais. Ma soeur, c'est moi. Ouais, ouais, c'est toi. Ouais. Tu as déjà chanté. Est-ce que tu peux chanter une autre chanson à toi? Non. Non. De tête, non. C'est pour ça que j'écris, pour pas m'en rappeler. Ouais. Et tout est au journal du vendredi. Ah, oui. Mais prendre un journal, là, tu peux le lire. Non, je peux pas lire. Tu peux pas lire. Tout écrit, mais tu peux pas le lire. Ah, j'ai pas mes lunettes pour l'instant. Je peux pas écrire, je vois rien. Mon colonel, qu'est-ce qui se passe avec vos lunettes? C'est des jumelles, mon colonel, c'est pas des lunettes. Je vous vois, là, de loin. C'est des jumelles? Ouais, des jumelles. Ah. Une fille et un garçon. Tu peux arrêter, s'il te plaît, pendant que je... Ouais. Je t'aime, que je t'aime. Ouais, Popek, j'ai déjà fait tout à l'heure, Popek. Popek, vous connaissez Popek? Non, vas-y, Popek. C'est un... Là, je mélange tout, excusez-moi. Je suis pas Laurent Gérard, hein, ni Michael Gregorio. Hein. Hein, mon père, il m'a dit, t'iras loin dans la vie. J'étais à l'épicerie et je suis revenu. Ça, c'est Popek. Ah, bah, le monsieur, il est revenu. Les caleçons moltonnés, tu connais pas les caleçons moltonnés? Hein, Martin? C'est quoi, non, ça? C'est quoi? C'est Popek. Il raconte l'histoire, ils ont des caleçons moltonnés. Ah oui. Et moi, j'ai raconté l'histoire. Oui. Je m'en rappelle plus. T'as oublié l'histoire? Ouais. J'ai Alzheimer, des fois. Et Waouh, Darry Cole, tu connais Darry Cole? Waouh, je joue dans de nombreux films. Hein? C'est qui lui? Darry Cole. Darry Cole. Darry Cole. C'est un acteur. Ouais. Ouais. Waouh, je vois vous dire, petit Galayou. Je joue dans de nombreux films, l'américain, le triporteur. J'ai jamais vu ça, le triporteur. Le triporteur? Ouais, le triporteur. Le triporteur. Il joue au foot, il prend une potion. Ah oui, potion, et ça devient quoi? Il y a des goals. Il monte sur les trucs partout, il saute. Ouais. Moi aussi, je voulais être goal quand j'étais jeune. Et alors? Hmm? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai tellement de buts dans ma vie que j'en ai pas marqué un seul. J'ai dit tout à l'heure. Ah oui? T'as pas marqué un seul but? Voilà. Parce que j'en ai tellement de buts dans ma vie. Oui. Mais tu... Ah non, soit des obus. L'obus éclate. Comment ça fait l'obus éclate? L'obus éclate. Comment tu peux le faire en son, là? Un son? Ouais. Quel son? Le son d'un obus qui éclate. Ah, je sais pas le faire, j'ai jamais vu ouais, ça. Ouais, c'est bien ça. Boum. Non. Ouais, chez moi, j'ai mon poste, il a explosé. Ouais. Le poste, il a explosé. Ton poste de quoi? Un poste de radio. Un poste de radio? Ouais, un poste comme ça. Et parce que les lapins ont bouffé les fils et les cafards. Ah. Et j'étais dans mon salon et le poste a explosé. Ça, le compteur a disjoncté. Waouh. Ça fait un gros boum. Ah ouais, tu aurais pu... Non, parce que les disjoncteurs, ça saute automatiquement. Ouais. Mais ça a explosé Et tu dis que c'est le cafard et les lapins qui sont... Ouais, qu'on bouffait les fils, donc il y a eu un faux contact et le poste a explosé. Oui. Ah oui. Mm. Bon. Faut faire attention. Faut faire attention avec les cafards et les lapins. Ouais, t'as des dents manquantes. Ça veut dire quoi, t'as des dents manquantes hein? C'est quoi ça? Ah, je sais pas. Non. On a des dents. Ouais. On est bon et on est con à la fois. T'as des dents manquantes. Je vais écrire en Chine, moi, ils vont rigoler. T'as des dents manquantes. En trois mots, ça veut tout dire. T'as compris? T'as des dents manquantes. C'est génial ça. Mais chaque fois que tu es là, Dominique, j'ai l'impression que tu apportes un truc de génie, quoi. Tu vois? Il y a que toi qui peux faire ça. Ouais. Ouais, c'est bien. Comme juste en t'attendu, la flèche qui m'est destinée, mon arc seul, je ne puis le bander. Ouais. C'est joli? Ouais. C'est la poésie. Alors je le répète, la foi de l'ego et les mois du miroir. La foi de l'ego, c'est Gainsbourg qui l'a chanté. Et moi, j'ai rajouté la foi de l'ego et les mois du miroir. Ouais. J'ai toujours pas compris ce que ça veut dire, c'est moi qui l'ai écrit, mais bon. Attends, tu peux. On va recommencer? Tu peux répéter, ouais. La foi de l'ego et les mois du miroir. Ouais. C'est Gainsbourg qui a écrit la foi de l'ego. La foi de l'ego, ah oui. J'ai ajouté la foi de l'ego et les mois du miroir. Et, les mois et l'apostrophe, E accent aigu, M-O-I, les mois. Ouais. Son choix. Les mois du miroir. Waouh. Votre choix. Tu as toujours fait de la poésie. Tu as toujours fait de la poésie. Ouais. Ouais. J'en ai plein, ça je l'ai perdu les cahiers. Mais il faut qu'on publie un recueil de tes poèmes. Les femmes m'inspirent. C'est avec les femmes que j'écris, des fois. Valérie Pécresse, tout ça? Quel type de femme? Bah, parce qu'il y a tout. Que j'ai connu. pas Margaret Thatcher quand même. Margaret Thatcher? Ouais. C'est qui ça? Je sais plus. Non mais quelle femme ça t'inspire? Tu as une femme particulière qui t'inspire ou pas? Tu penses à qui quand tu fais... J'aime bien Catherine Deneuve. Non, j'ai rien fait sur Catherine Deneuve. Les femmes que j'ai eues. Oui. Les copines. Oui. Qui m'inspiraient. Vous voulez apprendre le bulgare un peu? Oui, vas-y. Ouais. Oui. Dobarden. Bonjour, en bulgare. Ah oui. En polonais. Comme Dobriden. Dobarden. Oui. En polonais. Dzień dobry. Bonjour. Dobarden. Bulgare. Polonais, dzień dobry. Ça se ressemble un peu. Ouais, ouais. Et puis on sait que c'est Dobriden, je crois. Dobriden, non? Tu connais? Oui. Un peu ça, ouais. Dziękuję, merci en polonais. Jak się masz? Comment vous allez, comment tu vas? Ouais. En polonais. Kaksé, en bulgare, comment vous allez? Kaksé. Kaksé. Kaksé. Tsetse, merci en chinois. Oui. Tsetse. Comme la mouche, tsetse? Ouais. Tsetse, merci. Tsetse. Tsetse. Comme l'anglais. Tsetse. Tsetse. Ouais, la mouche tsetse, ouais, tu t'endors. Il y a même un petit lézard, tu dors dessus et tu t'endors. Ouais. Qui existe. Mais ton truc de la radio explosée, ça a fait un film de science-fiction, là, non? Presque, ouais. Tu as vu ce film de Cronenberg qui s'appelait Scanners ou un truc comme ça? Non. Que les télés explosaient sur lui, mais. Mais on pourrait refaire ce moment d'explosion de la radio, mais d'une manière, enfin, que ça explose, de bulles de savon de couleur, comme ça. Mm-hmm. Comme ça fait pas du mal, ça. Ouais, je veux faire un court-métrage, mais... Bah, il faut qu'on fasse plein de choses. Il faut une caméra. Inch'Allah, si j'ai une caméra, je t'amène la caméra, on l'a fait. Il faut que tu viennes à la radio, la schizophonie. Il faut faire un court-métrage. Ouais. Et... Le plus rapide, c'est pas lequel. Un film de kung-fu marrant, ah rigolo. Oui. Un film de kung-fu rigolo. Tu peux jouer dedans, tu fais. Ouais, je suis cascadeur. J'ai fait de l'aïkido un peu. Ouais. Ok. Et c'est une pilule. Ouais. Quelqu'un a fabriqué une pilule avec tous les oligo-éléments. Ouais. Faux. Et elle est cachée chez quelqu'un. Elle est cachée chez quelqu'un et quelqu'un veut la voler. Donc on protège la pilule pour pas se la faire voler. Parce qu'on ne l'a pas encore déclarée. Après, tu vous trouves un truc un peu. Ah, c'est bien. Non, ouais. Non, je te suis là. Et il y aurait des bastons dans les bois, dans. On serait masqué. Ouais. Masqué, on est masqué. Il y a quatre, il y aura quatre gars. Ouais. Comme force rouge, force noire, genre masqué, qui protègent cette pilule pour pas qu'on la vole. Pour pas qu'on la vole. Ouais. Mais c'est la pilule. Ouais. Ça fait quoi la pilule si tu la prends? C'est un peu la vie éternelle, genre. Ah oui, c'est l'élixir philosophal. Voilà, un élixir. Ouais. Il sera plausible, le truc. Ah, c'est génial. Comme le iode. Merde, oui, et c'est la mafia. Ah une oui. Espèce de mafia qui veut voler cette pilule. La mafia le milieu. Le milieu, ah ouais. Voilà. La mafia corse, genre, je sais pas. encore. En Corse. Faut que... Parce que tout seul, c'est dur. Ouais, non mais. J'ai un acteur déjà avec moi là, lui. Jason, il va jouer. Ouais. Ouais. Il est bien là, il a l'air mais pour oui. Jouer. Hein. Tu vas jouer dans le film de Dominique. Ouais, donc voilà, on a un acteur. Moi aussi, tu veux. Moi, je peux faire le son si tu veux. Tu veux. Ambre, il peut jouer aussi, hein, tu vois. Lui, il veut faire la musique là. Regarde son look là, avec ce même look. Tu le mets comme l'alchimiste qui garde son élixir philosophal dans le bras là, regarde, lui. Mais c'est bien, on va t'aider à le faire. Hein. Si tu veux le faire, on le fait. La semaine prochaine, on commence, quoi. Et après, ça passe quoi sur le film? Une fois qu'il t'essaye de te voler la pilule, tu fais quoi? Bah, ils arrivent à la voler, mais on la récupère. Ouais. Avant. Avant de la déclarer pour tout le monde. Ils veulent détruire la pilule, quoi. Je suis fatigué. Ah oui, t'es fatigué. Mais bon, c'est bien. C'est super idée, hein, un peu, tu vois. Commencer à le faire. Déjà, en plus, tu fais... Je peux en faire plein d'autres, mais... Bah déjà, on peut commencer par un film, tu vois. J'avais commencé D'Artagnan aussi. Je fais grandir D'Artagnan, moi. Alors, mais attends, parle au micro parce qu'on t'entend pas. Ouais, D'Artagnan, il est enfant. Oui. Ses parents fabriquent du fromage. Et il a une copine qui s'appelle Tristana. Oui. Qui lui offre un cheval. Et son père lui offre un fleuret, une épée. Il a 8 ans et il vient vendre son fromage en face du château de Versailles, où il y a les mousquetaires. Oui. Et voilà. Oui, et après ? Bah on le voit grandir, il a écrit Tristana. J'avais écrit le dialogue le cardinal, Duc d'Anjou, tout ça. Oui. Après on retombe dans l'histoire des trois mousquetaires. Juste le fais grandir, c'est tout ce qui change. En fait, c'est la même histoire d'Alexandre Dumas, mais tu voilà, le voilà, mais moi je le fais grandir. Dans aucun D'Artagnan, on le voit grandir. Moi, je le fais grandir. Cool. Voilà. Bah, il est dans la forêt, il s'entraîne avec sa copine. Elle s'appelle Tristana. Alors que... Elle s'appelle autrement, non. Ouais. Mais quand il est enfant, il y a une copine, elle s'appelle Tristana, qui lui offre un cheval blanc. Ouais. Et ça, c'est dans la vraie histoire ou c'est dans ton... Non, c'est dans l'histoire à toi, là. Ouais, ça n'existe pas. On n'a jamais vu grandir D'Artagnan. Il ouais. Arrive de où? Gascogne. Ouais. Ouais, Gascogne, ouais, je crois. Gascogne. Ouais. Mais bon, tu as plein de films, plein de poèmes, plein d'idées, plein de trucs. La psychiatrie, là, ils ne voulaient pas me le rendre. Avec un livre, là. Je sais quoi, ça. Qui veut pas te le rendre, ça? Psychiatrie, quand j'étais là. Bah, il faut demander, là. Tu peux pas te le rendre. Ils l'ont rendu, mais bon, ils voulaient le garder. C'est ce qui se beau, ça va pas ou quoi? Ouais, tu peux pas. Alors, vous partez? Bon, au revoir. Salut, Mathieu. Au revoir. La prochaine, tu prends un micro, là, tu es là. Et tu viens à l'autre radio, là, si tu veux. Demain, à la schizophonia. Si tu veux. Ouais, si tu veux. Ok. Bon, à bientôt, au revoir. Bah, super, avec toutes tes idées, Dominique, là, on pourrait faire plein de trucs, là, des films, de théâtre, de chansons, de poèmes. De... Quel autre projet tu as comme ça? Tu as d'autres projets? sais pas. Je, la cuisine, j'aime bien faire la cuisine. Ah oui, ça c'est bien aussi. Ça on aime bien nous. On pourrait un food truck, mais il faut un camion. Le food truck Metanoiac. C'est pas mal. Genre, ouais. Jason, tu penses quoi à tout ça? Attends, John, pardon. Et moi, je fais la cuisine. Oui. Des sandwichs. Oui. Des cocktails. Tu fais des cocktails alors? Sans alcool. Des cocktails. Avec des couleurs. Couleurs fluorescentes. Avec des sirops. Ouais. Par rapport à... Je sais plus. Par rapport à quoi? Par rapport à... Il y a l'autre là. Le plus jeune là. C'est-à-dire, par rapport à quoi? 17 ans. T'as pas bien entendu? Quand il y a eu la... Quand ils ont marché, la transhumance, les Arabes, le vrai nom, on dit un Mécois. Un Mécois. Et ils étaient sous le calendrier de la Lune. Ils voulaient pas rester. Les autres, vous ne voulez pas rester au calendrier de la Lune, normal. Le calendrier César ou de maintenant, tu vois, j'en sais rien, ça. Et il s'est caché, Mahomet, avec son valet, il s'est caché dans une grotte, il y avait une toile d'araignée déjà, il a mis des chiffons, il était dans la grotte. Et Mahomet s'est fait piquer par un scorpion, je crois, enfin un scorpion ou une araignée, je me rappelle plus. Et l'alarme du valet est tombée sur, dans la bouche de Mahomet et ça l'a sauvé. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. T'as compris? Ouais. La transhumance, c'est ça. C'est pour ça qu'elle disait que dans les larmes, il y a 51 oligo-éléments. Tu vois les oligo-éléments? Ouais. Oligo-éléments, c'est le... C'est pas une protéine, c'est un oligo-élément. Qu'on a besoin pour que le corps fonctionne, tu vois. Voilà. Et donc c'est nourrissant. Si un jour tu n'as pas à manger, tu vas prendre une larme déjà. Tu es déjà arrivé à pleurer hein, parce qu'il y a des gens qui ne pleurent pas. Hein. Ouais. Toi, tu pleures, Dominique, des fois? J'ai pleuré beaucoup. Ouais, c'est fini? Tellement que j'ai pleuré, tu viens me voir avec une gondole. Non mais c'est fait, tu vois, des larmes de Dominique comme ça pour l'élixir philosophal comme ça. Bien. Now we all have to pay. Smart little bastard stands there with his pockets inside out. Eh oui, Metanoia va bientôt être fini. Oui, on est à... On vous remercie de votre conversation. Vous répondrez plus tard aux questions. Moi, je vous donne les réponses avant de donner les questions. Voilà, vas-y, mets une réponse. Donne une réponse et on te posera la question. Voilà. J'ai trop de questions sans réponse, ou j'ai trop de réponses sans questions. Ouais, vas-y. Ah merde, j'avais un truc, je m'en rappelle plus. Ah oui, on la connaît. Ah oui, c'est une petite histoire. Oui. J'avais une copine et tout, je me promenais au bord du canal de l'Ourcq. Ouais. Et je l'ai jeté dans l'eau. Mais elle coule pas. Oui. Il y a combien de temps ça? Mais elle coule pas. Non, t'as rien compris. Non, j'ai rien compris. Mais elle coule pas, ça veut dire quoi en latin? Mais c'est ma faute. Ma faute. Mais elle coule pas. Ouais. Non, t'as pas compris, je recommence. C'est tout à trop vite. Bon, non? Mon cerveau, il est trop lent pour toi, Dominique. T'as pas compris? Faut que tu m'entraînes, quoi. Attends, tu t'es avec une copine? Sur le bord du canal, j'ai jeté dans l'eau, mais elle coule pas. C'est pas de ma faute, mais un coup le port, ça y est, t'as compris là? Ouais? Et ceux qui entendent, ils ont compris ou pas? Ou je reste toute la journée à dire? Non, oh. vas-y, encore une autre. Mais tu vas trop vite, ton cerveau va plus vite que la lumière si tu veux. Oui, ça passe vite dans ta tête là, c'est bien. Hein. Entre ta tête et ton cœur, il y a des choses qui se créent. Oui. Prenez vos balais! Harry Potter. Bon, on s'approche à la le fin. Le plus que parfait est parfait. C'est quoi ça? Noémie le bateau à quai. T'écoutes un peu de genre comme ça? Ouais. Comme ça un peu. Oui. j'écoute pas mal de choses, surtout du rock, aussi de la musique classique, du jazz, ça dépend. Ouais. Ça peut m'arriver. Eh oui, je vais bientôt prendre la poudre d'escampette. Si, ça va, mais juste, je m'y connais pas trop. Ok. C'est quoi que t'aimes faire comme divertissement dans la vie ? C'est une bonne question. Ouais. J'aime bien lire. Lire, ouais. Et puis, quelle par... Sorte, quelle sorte de livre ? Quelle sorte de livre ? Vous en posez des questions. Je t'ai pas exprimé aujourd'hui, c'est pour ça. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Quelle sorte de livre ? J'aime bien les romans... des fictions sur des choses historiques, trucs comme ça, mais je lis un peu de tout. Des fictions, mais plus mais vos livres favoris. C'est quoi vos livres vraiment que... Mes livres favoris ? Ouais. Le style de livre que vous aimez lire. Voilà. Quand j'étais... Et là, c'est à qui, on va boire un café. Attends, laisse-moi s'exprimer. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup lire des choses fantastiques, un peu comme Harry Potter et Harry tout. Harry Potter, tout ça. Don Quichotte, tout ça, non ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un livre aussi populaire comme un peu. Ah oui, ouais, oui, ça t'aimait bien. Si, ouais. Jamais lu, mais j'en ai déjà parlé en cours, oui. Oui. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Et c'est quoi qui t'a marqué le plus dans ta vie ? Ça t'a marqué le plus ? Vraiment, que tu n'oublieras jamais. Alors là. Sans indiscrétion, après. C'est dur comme question. Ouais. Je sais pas trop. Et vous ? Ben, d'abord vous, après je vous réponds. Moi, il va falloir que je réfléchisse pendant longtemps. Ah ouais, ouais. Allez, peut-être la semaine prochaine, je peux revenir avec la réponse. Ouais. Bon, ouais, on va changer de question. Est-ce que vous savez jouer des instruments de musique ? Ouais. Quel instrument ? Du piano. Vous jouez bien ou c'est moyen ? J'ai arrêté, j'en ai fait pendant longtemps. Ouais. Bah, d'ailleurs, j'étais au conservatoire à Bobigny, je sais pas si vous... Oui, si je connais très bien, ouais. Voilà. Libération ? Vers Libération. Vers Libération. Ouais, c'est... Vers Libération, ouais. Ouais, ouais. Okay, ouais. Voilà. Moi, j'ai attendu 3 ans, moi, là-bas. Pour jouer. Ah ouais ? J'ai joué moi-même, ouais. Ok. La liste d'attente a été trop longue. Ouais. Ouais. Moi, j'étais en... J'avais un piano. Jazz, il datait de Napoléon. Ah ouais ? Chez moi, avec les... Et parce que vous faites des instruments, de chandelier. Moi, je fais des instruments, moi, sur l'ordinateur. Ok. Il y avait les cuissons. Mais je joue aussi des instruments. Ok. Mais je suis pas un pro, hein, mais j'ai appris tout seul, tu vois. Oh, bah, c'est bien. Piano et guitare, c'est tout. Bah, c'est déjà bien. Ouais. J'aime beaucoup la guitare. Ok. D'accord. Et vous avez déjà voyagé ? Oui, oui. Dans combien de pays ? Quel pays, ouais ? Non, quel c'est pays ? Rien, ça. Beaucoup, mal. Beaucoup. Moi, j'ai voyagé dans ma chambre. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. J'aimerais bien pouvoir faire tous les pays d'Europe. J'en ai déjà fait beaucoup. D'accord. Mais... Ouais. Oui, je suis déjà allée en Italie. Ouais. C'est pas tout à fait. Mais ça coûte de l'argent. Le pays, le meilleur voyage que t'as fait dans ta vie, c'est quel pays ? Le meilleur pays que t'as le plus aimé accrocher ? Je sais pas. Je sais pas. Pas un pays. Ok, ça marche. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Comment merci. Ambre. L'entretien. On va voir une chronique. Tu vas faire des entretiens aux gens ici. C'est bien quand tu poses des questions. De dos, mais c'est bien quand tu parles comme ça. Bon, salut les métanoïaques, à la semaine prochaine. C'est l'ambre, c'est la baleine, hein, l'ambre. Il y a l'ambre aussi. On trouve des... Là, tu ressembles à...